Chapitre 20e. France, 1900. En l'an 1900, Paris s'habilla de lumière. Jessie fit avancer le progrès, comme il le disait, en achetant une automobile. Une Saint-Louis de 9 chevaux, qu'il avait payée rubis sur l'ongle, près de 1 800 $, une des premières sur le marché américain. Elle débarqua un beau matin d'un énorme bateau qui avait fait la traversée spécialement des États-Unis pour la lui apporter. Cette petite merveille de technologie humaine était enfin en sa possession, et il n'en était pas peu fier. Il paradait dans toute la propriété d'Honfleur, se faisant la main dessus, disait-il en riant aux éclats. Un enfant devant ses jouets préférés à Noël n'aurait pas été aussi heureux que lui. Il lui fallait la maîtriser parfaitement, car il avait en tête une surprise pour sa femme et ses enfants, aller tous ensemble, et bien sûr en voiture, à Paris, pour l'exposition universelle. Alice, quant à elle, en avait une appréhension terrible, et si elle le pouvait, sans blesser son cher époux, déclinait autant que faire se peut toute invitation à une promenade. Mais le rendez-vous de Paris s'avançait, et il fallut bien du courage à Jessie pour l'annoncer à sa femme. Il aurait aimé faire venir Claire et les enfants des États-Unis pour la grande occasion, mais cette dernière était tellement surchargée par les affaires du ranch qu'elle déclina son invitation et la remit à l'année suivante. James et Jordan sortiraient alors de l'université, diplôme en poche, ne doutant pas de leurs aptitudes. Il ne pouvait en être autrement, et la belle réunion de famille ne pouvait qu'en être plus agréable. Cette année-là resta dans la mémoire de Jessie jusqu'à son dernier souffle. Que de choses magnifiques ils découvrirent à cette exposition. Les pavillons des autres pays que l'on avait mis quelques mois à construire étaient déjà à eux seuls, valaient le déplacement. L'électricité, cette invention découverte par un certain monsieur Edison, un Américain, disait fièrement Jessie, allait sûrement révolutionner le monde. Il ne croyait sûrement pas si bien dire. Ils partirent de bon matin, Alice, Joyce et Jordan, pas très rassurés tout de même, mais excités à l'idée d'aller voir la grande exposition universelle, ne montrèrent pas leur déplaisir à se faire transporter dans cette drôle de machine pétaradante. Ils arrivèrent en fin d'après-midi, moulus, frigorifiés et couverts de poussière. Mais le principal, dit Alice à sa fille, c'était de voir son mari rayonnant de bonheur. Jessie, quant à lui, ne tarissait pas d'éloges sur sa machine. Il avait fait une moyenne de 17 km/h. C'était fabuleux. Ils logèrent au Ritz, dans une suite. Là aussi, le progrès avançait à pas de géant. Il y avait désormais des toilettes et des salles de bain dans toutes les chambres. Les lustres en cristal reflétaient à l'infini une lumière douce et embellissaient la décoration subtile et luxueuse des pièces. Dînant de bonne heure dans un petit cabinet discret et servi par une domesticité à l'allure impeccable, ils apprécièrent sans contestation toute cette prodigalité et cette magnificence. Ils se couchèrent enfin si fatigués qu'à peine la tête sur l'oreiller, ils s'endormirent du sommeil du juste. Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner, ils reprirent l'automobile pour aller au Trocadéro où se situait l'exposition. « Mais quelle est cette horrible chose ?» demanda Joyce à son père. « Je n'en sais rien du tout, mais nous sommes là précisément pour en avoir connaissance. » Joyce parlait d'une gigantesque tour métallique érigée sur le Trocadéro. C'était la tour de Monsieur Gustave Eiffel. « C'est la tour la plus haute du monde, » fit Jessie après s'être renseignée. « 300 mètres, quelle hauteur !»« Mais à quoi peut-elle bien servir, père ?» redemanda Joyce. À rien pour l'instant, mais c'est la vitrine du savoir-faire technologique français, mon petit. Elle devait être détruite à la fin de l'exposition. Qui aurait voulu conserver ce tas de ferraille qui défigurait la plus belle capitale européenne? Un événement intéressa plus particulièrement Jessie. Un moteur diesel du nom de son inventeur lui-même. Il devait permettre de consommer moins de pétrole pour les automobiles et ainsi pouvoir aller plus loin. Jessie trouva l'idée excellente et finit par prendre contact avec l'inventeur. Ce qui devait finir par une belle promenade se termina par du travail. Jessie prit plusieurs parts dans le marché automobile et également dans la construction d'usines électriques. La fée électricité avait frappé et n'était pas prête de s'éteindre. Ils ne restèrent qu'une semaine à Paris. Après l'exposition universelle, Alice et Joyce voulurent visiter le musée du Louvre et également voir le château du Roi Soleil à Versailles. Ils revinrent finalement à Rouen, le cœur rempli de rêves et des découvertes plein les yeux. La routine peu à peu se réinstalla et on oublia l'exposition universelle et la visite à Paris. Cet été-là, Jessie, Alice et Joyce partirent comme c'était l'habitude en vacances à Honfleur. Les parents d'Alice avaient fermé leur établissement hôtelier depuis 1 an et résidaient dans la belle demeure qu'avaient fait construire Patrick et Larme de Pluie. Ils préparaient également l'arrivée en France de leur fille Claire, de ses enfants et le retour de James et Jordan. Au mois de juillet 1901, ils partirent avec Jessie en automobile, suivis par Alice et Joyce dans une calèche, l'automobile ne pouvant hélas transporter plus de 4 personnes. C'est dans la joie de se retrouver tous enfin réunis que l'équipage disparut au détour d'un chemin. Il faisait un temps splendide, et Jeannette ainsi que Rory ne tenaient plus en place. Dès qu'ils aperçurent le bateau qui accostait, ils se précipitèrent du mieux qu'ils purent, vu leur grand âge. Le débarquement dura 2 heures, pendant lesquelles tout le monde se bousculait, s'embrassait, se congratulait. Enfin vint le tour de Claire, entourée de ses enfants. Inimaginable, fit Rory à Jessie. Quoi donc? Ce qu'elle a maigri, ma pauvre petite fille. Il lui a fallu tellement de courage pour affronter tous ces malheurs toute seule, sans sa famille. Il parlait bien entendu de la mort de Josh et Jessie, lui répondit. Vous savez bien qu'elle n'était pas seule. Elle avait ses enfants, et puis nous lui avons suggéré de rentrer en France pour être plus proche de sa famille. Vous savez pertinemment ce qu'elle a répondu. Oui, je le sais, en effet. Elle avait tellement de responsabilités là-bas que, courageuse comme elle est, elle n'aurait jamais voulu laisser tomber tout cela. Quand même, elle me fait de la peine, Jessie. Vous pourrez remédier à tout cela maintenant qu'elle est là. Seulement, à mon avis, il faudra bien faire attention à nos paroles. On pourrait la vexer en essayant de la materner un peu trop. Bien vu, Jessie. J'essaierai de m'en souvenir. De retour à la maison, tout ce petit monde se mit d'accord pour déjeuner dehors. Le temps était splendide. Les fleurs toutes épanouies embaumaient le jardin qui offrait des senteurs exceptionnelles. L'air de la mer apportait une brise rafraîchissante et mettait en appétit. Lorsque toute la famille fut repue, elle s'installa sous un immense châtaignier qui offrait par sa ramure toute l'ombre nécessaire. Nous sommes si fiers de nos petits-enfants, dit Jeannette. Tu te rends compte, Rory, sortir tous les deux majeurs de leur promotion à 16 ans, c'est formidable. On voit que leurs parents ont fait de l'excellent travail. Mais n'oublions pas qu'avec tout le sang irlandais qui coule dans leurs veines, c'est un peu normal. Non, mais voyez pour qui il se prend, l'animal. Ils ne changeront jamais tes parents, fit Jessie à Alice, et je crois que c'est tant mieux. Oui, cependant, Jess, tes parents étaient pareils. Ils se chamaillaient souvent, mais ils s'aimaient si fort. Crois-tu que nous leur ressemblons aussi? Bien, disons que nous sommes plus calmes. Ce n'est pas pour autant que nous ne nous aimons moins. Regarde un peu les enfants. Ils sont tous les quatre jumeaux. Ils se battent souvent, mais si l'un d'eux n'est pas là, c'est toute une histoire pour les autres. Nous sommes si bien ici. J'aimerais que tout cela ne change jamais, hélas. Il manque déjà tant de personnes que nous avons aimées. C'est la vie, chérie. Elle n'est facile pour personne. Mais il vaut mieux ne pas y penser lorsque nous sommes tous ensemble. Nous finirions par être tristes et les autres aussi. C'est vrai. Vois-tu, Jess, j'aimerais rester un peu plus longtemps ici cette année. Oui, moi aussi j'en ai envie. Ces derniers temps ont été épuisants. Nous avons été séparés des enfants si longtemps, et ça se voit, nous méritons bien une pause plus longue. Tu as raison. Je vais téléphoner à Mike et lui dire que nous resterons aussi pendant tout le mois d'août. Alice embrassa amoureusement son mari tout en lui souriant tendrement. Je t'aime très fort, mon Jess, et je voulais juste ajouter que tu me rends très heureuse. Toutes ces années déjà que nous avons passées ensemble. Il me semble que c'était seulement hier où, tous les quatre, nous avons fait le projet de nous marier. Regarde un peu, une bonne famille, de beaux enfants. Je ne pourrais rien vouloir de mieux. Je vais seulement entourer Claire un peu plus. Je suis si triste pour elle. Si cela m'était arrivé, me retrouver seule avec 2 enfants, je crois que je serais devenue folle. Je suis là, ma douce. Tu as raison, pour moi aussi cela aurait été dur de perdre mon double. Heureusement que vous étiez là. Elle n'a plus que nous. J'aimerais la convaincre de rester ici avec nous, qu'en penses-tu? Si nous nous y mettons tous ensemble et en douceur, on a peut-être une chance, mais je connais bien ma sœur, cela ne va pas être facile. Nous sommes en vacances et nous avons 2 mois devant nous. Faisons le maximum et pour le reste, ce sera à elle de décider. Bon, nous sommes restés à l'écart assez longtemps, retournons leur tenir compagnie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les jeunes, fit Rory aux arrivants, mais j'irai bien piquer une tête. Il fait trop beau pour rester assis sous un arbre à ne rien faire. Oh oui, grand-père, emmène-nous sur ton bateau, fit James. Nous pourrions aussi aller à la pêche. Nous adorons manger tes poissons. Et tes crevettes grises, renchérit Jessica. Arrêtez, les enfants, s'exclafa Rory. J'ai parlé d'aller nager, pas de pêcher. Vous êtes en vacances et vous voudriez me mettre au travail? N'avez-vous donc aucune pitié pour le vieil homme que je suis? Le vieil homme. C'est trop drôle, poursuivit Jeannette. Tous les jours, monsieur me rebat les oreilles avec sa pêche, et à présent, il va refuser à ses petits-enfants sous prétexte qu'il est vieux et qu'il a besoin de se reposer. Bon, avec toutes ces bêtises, moi je débarrasse la table et je vais faire la vaisselle. Tout plutôt que d'écouter de pareilles sornettes. Ils sont encore à se chamailler, s'écria Jessie en prenant Jeannette et Rory dans ses bras. Vous êtes incroyables, tous les deux, savez-vous? Mais en tous les cas, si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer. C'est vrai, sans eux, on s'ennuierait. La vérité sort de la bouche des enfants, constata Claire amusée. Pendant tout le mois de juillet, les jours s'écoulèrent paisiblement. Claire reprenait peu à peu goût à la vie et souriait de plus en plus souvent. Les enfants se baladaient dans toute la campagne environnante, et les parents et grands-parents discutaient longuement sous le grand châtaignier. L'été était splendide. C'était l'un des plus beaux depuis des années. Rory les régalait souvent avec sa pêche, et Jeannette, quant à elle, faisait de son mieux pour apprendre ses secrets culinaires à ses deux petites filles. Lorsque la vie est si belle, sans problème, et que tout coule ainsi aussi bien, il y a des fois où un frisson d'appréhension vous surprend. C'est ce qui arriva à Alice ce matin-là. Une brume légère couvrait encore la mer, et le soleil commençait à pointer à l'horizon. À la fenêtre de sa chambre, elle frémit violemment. Que se passe-t-il, chérie? Tu n'as pas l'air bien. Non, je t'assure, tout va bien. Pourtant, oui. Je ne sais pas, c'est étrange. J'ai comme l'impression qu'une chose affreuse va arriver. Une chose? Quelle chose? Je ne sais pas, je n'en sais vraiment rien, mais je ressens cette impression tout au fond de moi. Alors, tu as tremblé, tu as eu froid. Il fait encore frais. Il n'est que 6 heures. Viens dans mes bras que je te réchauffe. Attends, Jessie, je sais que cela paraît stupide, mais j'ai eu cette même impression quelques jours avant de recevoir le télégramme nous annonçant la mort de ton frère, et avant cela la mort de tes parents. Jessie, j'ai peur. Chérie, ce n'est rien. Que pourrait-il donc nous arriver ici? Il fait beau, tout le monde est heureux, nous sommes en vacances et tous en bonne santé. Il faut te rassurer et oublier tout ça. Tu es peut-être un peu fatiguée. Tu en as fait beaucoup ces dernières années. Viens, ma douce, viens dans mes bras. Tu vas te reposer toute la matinée et cet après-midi, je sortirai la voiture et je t'emmènerai à Deauville. Nous marcherons tous les deux en amoureux sur la plage. Nous regarderons le soleil se coucher, puis nous irons déguster des huîtres, celles que tu préfères. Ensuite, nous rentrerons et je te montrerai encore une fois combien je t'aime. Alors, ce programme te tente, mon amour? Tu es un homme et un mari formidable, mon chéri. Comment pourrais-je refuser une offre aussi alléchante? Le flatta-t-elle en souriant doucement. Quelques heures plus tard, Jessie sortit son automobile et partit retrouver sa femme dans leur chambre, sans se douter un seul instant du drame qui allait arriver.